et bienvenue aux amateurs de rock progressif à cette 174e émission de Rock de Neurones, toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Vous êtes en compagnie de Jimmy Farley pour les deux prochaines heures, durant lesquelles on va entendre, entre autres, une nouveauté de Carfagan, qui est un groupe ukrainien. On aura aussi une nouveauté de Monarch Trail, un groupe de Toronto. Vous allez entendre aussi Kentford Kafka, Galleon de Suède, Sirius Legacy de Hongrie, un hommage à Pete Bardens d'Angleterre. On aura aussi, pour le dernier bloc, Hadal Sherpa de Finlande, Jam Carrett des États-Unis, Small Tape d'Allemagne, et on va conclure avec Kayak des Pays-Bas. Alors, on débute ça avec, comme à l'habitude, l'album de la semaine qui occupe le premier bloc de l'émission. Et cette semaine, la place est tenue par Carfagan, ce groupe ukrainien, qui vient de faire paraître son 9e album studio, album qui est en fait un album concept, et il s'intitule « Messages from Afar » et « First Contact ». Le groupe Carfagan est sous la tutelle, ou la, pas la tutelle, la férule d'Anthony Kaligan, qui est pour l'Ukraine ce que Fabio Zuffenti est pour l'Italie. Alors, c'est un homme orchestre, il fait de la production, il est musicien, il s'occupe de plusieurs groupes. Et il nous propose le 9e album, un album qui dure 56 minutes et qui contient 9 pièces. Et moi, je vous propose aujourd'hui la première pièce de l'album First Contact et la dernière pièce, qui est la pièce de résistance d'une durée de 15 minutes et 45 secondes, Constant Flow, c'est-à-dire Constant Flow. Alors, les 7 pièces qui peuplent l'album entre la première et la dernière, bien, ils sont à peu près de la même facture, c'est de musique de professionnel. Alors, on débute ça avec Carfagan. We'll be right back. Thank you. Alors, c'était Carfagen d'Ukraine avec l'album de la semaine. L'album s'intitule Messages from Afar, First Contact. Et on a entendu deux pièces. La plus récente, c'est Constant Flow. Et en début de bloc, nous avions First Contact. Alors, après la pause, Monarch Trail, Canfreul, Kafka, Galien et Sirius Legacy. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, on débute le deuxième bloc de l'émission avec une nouveauté d'Ontario, en fait de Toronto. C'est Monarch Trail qui nous propose son deuxième album « Send ». Le premier, en 2014, s'intitulait « Sky » et avait été très bien reçu par la critique. Alors, ils nous reviennent avec ce deuxième album et on va entendre la pièce « Charlie's Kitchen ». Ça sera suivi du groupe espagnol « Canfreul Kafka » qu'on a entendu à l'émission il n'y a pas très longtemps. On avait entendu leur plus récent album Onirico, mais là, je fais un petit retour en 2014 lorsqu'ils nous ont proposé leur premier album No Tengas Miedo. Et là, je vous propose d'entendre Viajes. Et ensuite, nous aurons de Suède le groupe Galien. Galien qui a été très actif là, entre 1992 et 2010. Donc, 18 ans de métier, et dans ces 18 ans-là, ben, ils nous ont proposé 9 albums, dont le troisième en 1995 qui s'intitule « King of Aragon » et on va entendre « Long Lonely Shadows », un court extrait, en fait un extrait de 10 minutes parce que la pièce est beaucoup plus longue. Et en fin de bloc, nous avons une nouveauté de Hongrie, c'est « Sirius Legacy ». « Sirius Legacy », ben, c'est un groupe hommage à un autre groupe de Hongrie qui s'appelait « Sirius », qui a été plus actif dans les années 70. Alors, ils ont leur deuxième album qui vient de paraître. C'est un album dont le titre est en hongrois. Alors, je vous évite de le maltraiter et je vous propose d'aller visiter la page Facebook de l'émission Rock de Neurones où vous aurez la très belle langue hongroise dans toute sa splendeur. Alors, on débute ça avec Monarch Trail. Thank you. We'll be right back.

Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, nous voici rendus au troisième bloc de l'émission qui sera consacré entièrement à Pete Bardens. Pete Bardens, qui est un musicien de Camel, qui est décédé aujourd'hui. En fait, il est décédé en 2002. Et en parallèle ou après la carrière qu'il a eue avec Camel, ben, il a formé un groupe qui se trouve être un collectif de musiciens qui regroupe justement lui et Andy Ward de Camel. Il y a aussi Dave Sinclair puis Pat Hastings de Caravan. Et puis il y a aussi Rick Bidulph, qui est un musicien qui a participé à Hatfield and the North. Donc on voit un petit peu la tangente que ça va prendre. C'est un groupe qui a été formé pour faire des tournées. Il n'y a pas eu aucun album studio qui est issu de ce mariage-là. Par contre, deux albums studio ont été sortis en 1995 et 1996. Et ce qu'on va entendre, c'est trois extraits de The Speed of Light, qui est le deuxième album. Ça a été enregistré en Allemagne. Puis étant donné qu'il n'y a pas eu beaucoup de... Ben, en fait, il n'y a eu aucun album studio, l'attention a été... mise ou apportée sur la sonorité ou le son de ce spectacle live-là. Alors voici Pete Bardens, Mirage. Thank you. Alors, c'était Pete Bardens avant la pause qu'on a entendu. C'est Pete Bardens Mirage. En fait, c'est l'album qui a été concocté par des musiciens de Caravan et Camel en 1996. Et c'était en Allemagne. Et l'album s'intitule Speed of Light. Alors, pour le dernier bloc de l'émission, je vous propose quatre pièces de quatre groupes différents. Le premier, c'est Hadal Sherpa. Hadal Sherpa, c'est un nouveau groupe de Finlande. Dans la lignée des Agusa et Hydria Space Folk. Là. Alors, l'album s'intitule, en fait, c'est l'album homonyme, et je vous propose la pièce Icaros. Ensuite, il y a Jam Carrette des États-Unis, un groupe assez prolifique qui opère, en fait, depuis 1982. Et on leur compte 18 albums studio, et ce que je vous propose, c'est un petit retour dans le passé, en 1997, avec un extrait de l'album de Devouring, et c'est la Lights Over Roswell. Et par la suite, une nouveauté du côté de l'Allemagne avec The Ocean, ça c'est l'album, et le groupe s'appelle Small Tape. Et je vais vous proposer un extrait de cet album-là. qui s'intitule Kavenstman. Et on va conclure avec Kaya, qui est une formation des Pays-Bas, qui eux aussi sont assez prolifiques. Ils opèrent depuis 1973. Ils ont eu une petite éclipse d'une vingtaine d'années entre 1981 et 2001. Ça ne les a pas empêchés de faire 17 albums studio. Et l'avant-dernier, qui paraît en 2014, bien, c'est Cléopatra. Et je vous propose The Ides of March. Alors, on commence ça avec Hadal Sherpa. We'll be right back. of March, they took away my love. Struck by a great many hands, slain by his most loyal friends, who'd promised to protect him, honor and respect him. Their quest for power killed my better half. On the Ides of March, a stone has crushed my heart. The sun that is bearing his name, the air that he failed to acclaim, on whom my trust depended, has left out empty-handed. Their daggers cut and tore my life apart on the Ides of March. My patron and protector, friend.